nouvel an, 1er janvier tout le monde, merci d'écouter Espace et très bonne année à vous. Il est tout pile 18h et tout de suite on fait un point sur l'actu nationale et internationale. L'essentiel de l'actualité, Stéphane Nicolas. Bonsoir à tous. 6 Français sur 10 n'ont pas jugé Emmanuel Macron convaincant dans son allocution de vœux, selon un sondage Opinionway pour la chaîne LCI. Dans le détail, 14% des sondés ont trouvé le président très convaincant, 26% assez convaincant, 27% peu convaincant et 33% pas du tout convaincant. Le chef de l'État a convaincu 74% de ses électeurs au premier tour de la présidentielle de 2017, 47% de ceux de François Fillon, 33% de ceux de Jean-Luc Mélenchon, 28% de ceux de Benoît Hamon et 13% de ceux de Marine Le Pen. Les 260 passagers d'un TGV parti de Mulhouse et qui devait arriver peu après 20h30 hier à Paris auront finalement eu 3 heures de retard au réveillon car leur train a heurté un troupeau de vaches en Côte d'Or. L'accident s'est produit à Darcet et le train a été amené à quai en gare des Lômes, à quelques kilomètres de là où les passagers ont dû attendre l'arrivée d'un nouveau TGV à 22h30. Le nez du TGV accidenté était fortement endommagé et les voyageurs ont improvisé une chorale sur le quai pour faire passer le temps. Des images ont été publiées sur un site internet hier. C'est un nouvel an un peu particulier qu'ont passé 8 Rennais durant la nuit dernière. Ils ont été bloqués pendant 9 heures pour certains en onde à manège, les pieds dans le vide à 50 mètres au-dessus de la terre, après une défaillance technique de l'appareil. Selon le propriétaire du manège, c'est une pièce neuve qui a lâché et s'est bloqué, un incident technique qui n'était jamais arrivé auparavant. Du côté de Strasbourg, un terrible accident. 9 personnes ont été soignées à SOS Main du centre hospitalier universitaire de Strasbourg pour des blessures liées à la manipulation de pétards pour fêter le nouvel an, dont 2 ont été amputés. 2 jeunes hommes, un ado de 15 ans et un adulte de 20 ans ont eu 2 doigts amputés, le pouce et l'index dans un cas, l'annulaire et l'auriculaire pour le second. L'attaque au couteau qui a blessé 3 personnes, dont un policier, le soir du nouvel an à Manchester, menée par un homme criant « Allah » selon un témoin, fait l'objet d'une enquête terroriste. Indication faite ce mardi par la police de cette ville du nord-ouest de l'Angleterre. Sur la plus normande des radios, Max. Nouvelle heure, nouveau son, une nouveau tube. Je vous cale Daddy Yankee tout de suite. Et c'est Toura, bonne journée. Espace, espace, plus de son, plus de tubes. Si esa mujer fuera para mí. la plus normande des radios. Espace, la plus normande des radios. Des souvenirs plein la tête, mais pas un seul que je regrette. Des fous rires chaque fois que se croisent nos regards. Des journées à se raconter toutes nos histoires. Et même si le temps passe, tu n'es jamais loin de moi. Ça passe ou ça casse, nous deux c'est bien plus que ça. Jamais sans toi, I'm happy to have you in my life. Te serrer dans mes bras ou te donner le smile. Désolé, always been so hard for me to find the words to say. Un peu beaucoup nowhere. Toi, tout est plus facile. Y'a des hauts, y'a des bas, mais surtout il y a toi. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, tu seras toujours là. Une fois, on a le droit de le dire jusqu'à la fin janvier, ça c'est plutôt cool. Bonne année tout le monde, tout nouveau de bonheur en ce 1er janvier 2019, il est 18h09, reposez-vous bien, bon courage à tous ceux qui vont aller bosser demain, et oui ça va pas être facile, je vous le confirme. Juste après ça, je vous cale Kaigo et Sandro Cavazza pour Apino, il y aura aussi Avicii avec un petit Wake Me Up. À tout de suite les amis. Besoin de recharger vos batteries? Seul, en couple, en famille, avec des associés ou en équipe, venez vous ressourcer au domaine des prix du Home en Normandie. Caroline vous invite à déconnecter en lâchant prise dans un cadre bucolique entouré par des professionnels du bien-être. Un séjour personnalisé en fonction de vos objectifs. Appelez maintenant 06 70 65 09 87 et connectez-vous www.prêtduhome.com. Le domaine des prêts du Home, 73 route de Gisors à Bézu-Saint-Éloi. La société LGM, distributeur des produits ACA, propose des adaptations de conduite, transfert et transport adaptables sur tout véhicule pour les personnes à mobilité réduite. LGM ACA vous propose aussi des véhicules pour le TPMR et la conduite en fauteuil roulant. Avec ses deux centres de montage à Amiens et Pont-Audemer, LGM ACA vous propose ses services sur le Nord, la Normandie et la région parisienne. LGM ACA, c'est des solutions innovantes pour retrouver mobilité et autonomie. Découvrez l'ensemble de nos produits sur notre site internet www.aca-france.com. LGM ACA, 793 rue de Gaillon, 27 500 Pont-Audemer, à côté de Mondial Pare-Brise. Vous voulez connaître la valeur de votre bien, appartement, maison ou terrain? L'Immobilière Normande vous offre une évaluation de votre bien. Alors n'hésitez plus et contactez l'une de nos 8 agences. Il y a forcément une agence L'Immobilière Normande près de chez vous. Numéro de téléphone 02 32 40 19 90.

tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up. Parlons de l'Europe. Parlons de l'Europe. Bonjour Pauline, de quoi parle-t-on sur la planète Europe en ce moment ? Bonjour Cédric, bonjour à tous et à toutes. Eh bien, on parle Brexit, puisque la date fatidique se rapproche. Cette date, c'est le 29 mars 2019, qui n'est plus donc qu'à quelques mois. Et plus ça se rapproche, moins on est confiant. D'ailleurs, plus de 700 000 Britanniques ont demandé un nouveau référendum. Ils ont manifesté dans les rues de Londres, mais en vain. Les derniers sondages indiquent d'ailleurs que la plupart des Britanniques voteraient aujourd'hui contre le Brexit. Mais ce n'est plus possible, un nouveau référendum semble aujourd'hui impossible. Même au sein de son gouvernement, Theresa May n'a pas la pleine confiance puisque les menaces de démission pleuvent. Et d'ailleurs, la semaine dernière, un des ministres, le ministre des Transports Joe Johnson, a encore démissionné et a appelé à un nouveau référendum. Mais pour lui aussi, ce sera plus que probablement une demande vaine. L'accord avec Bruxelles semble de plus en plus compliqué à atteindre et je le rappelle, à défaut d'accord, la Grande-Bretagne devra sortir de l'Union européenne sans condition. C'est-à-dire qu'Erasmus, l'accord sur le nucléaire et tous les accords commerciaux seront donc annulés. Les tensions commerciales d'ailleurs entre les Anglais et le continent sont également à leur comble. Le mois d'octobre a été une catastrophe pour les entreprises britanniques. C'est le pire mois depuis le vote du Brexit en juin 2016. Le Brexit n'est pas sans risque, que ce soit d'un côté de la Manche ou de l'autre, mais 27 États d'un côté, un seul de l'autre, la balance penchera de toutes les manières de notre côté, nous, Européens. Vous l'aurez compris, nous reviendrons encore souvent vous parler Brexit sur cette antenne, du moins jusqu'en mars 2019. Retour des tubes. Écoutez ça. Last night meilleurs souvenirs sont forcément sur Espace. Il est 18h25 dans l'agglomération ébruissienne, tout comme dans l'agglomération rouennaise, à Pernay, aux Andelys, à Gisors, en Normandie, comme en Picardie. Merci d'être avec nous les amis. En ce mardi 1er janvier 2019, il est tout pile 18h25. On va faire un point sur l'actualité locale et régionale avec le flash de la rédac d'Espace. Et voici Scorpions et Wind of Change. Park, listening to the wind of change. The world. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous, on commence cette édition avec un réveillon de la Saint-Sylvestre entaché d'un accident mortel dans le pays d'Auge. À Saint-Gatien-des-Bois, entre Lisieux et Deauville, un homme de 26 ans a perdu la vie la nuit dernière sur la D74. Seul en cause, le conducteur qui circulait sur la route qui passe devant l'aéroport de Deauville-Normandie n'a pas pu être réanimé par les secours. Et puis à Rouen, vers 6h15 ce matin, un homme de 26 ans est tombé accidentellement de la fenêtre du deuxième étage d'un immeuble rue de l'ancienne prison. Alors qu'il s'apprêtait à fumer dans un appartement où étaient réunies 7 personnes, l'homme s'est mis à la fenêtre. Ivre, il a cru pouvoir s'appuyer sur un garde-corps qui n'existait pas et est tombé. Sérieusement blessé avec une fracture à la mâchoire et des contusions sur le corps, la victime a été transportée à l'hôpital. La préfecture de Seine-Maritime a dressé le bilan de la nuit de la Saint-Sylvestre. Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées au rond-point des Vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray. Au Havre, une quarantaine de gilets jaunes se sont retrouvés place de l'Hôtel de Ville. Les pompiers sont intervenus à 353 reprises, essentiellement des interventions liées à de fortes alcoolisations. Les interventions pour des feux de véhicules ou de poubelles représentent moins de 10% du bilan. La préfecture a indiqué que le nombre de voitures brûlées était similaire à l'an passé, soit une vingtaine, essentiellement à Rouen, au Havre et leurs agglomérations. Côté contrôle routier, 250 gendarmes et 350 policiers étaient déployés sur le territoire. Au total, les forces de l'ordre ont procédé à 5 720 dépistages d'alcool. 76 conducteurs alcoolisés ont été verbalisés et 25 se sont vus retirer leur permis de conduire. 9 conducteurs ont par ailleurs été soumis à des tests de détection de stupéfiants et 3 d'entre eux positifs ont été verbalisés. À Rouen, 8 gardes à vue étaient en cours ce matin. Et puis une nouvelle beaucoup plus réjouissante, le premier bébé normand de l'année 2019, Mélina, est née à Évreux à minuit 42 au centre hospitalier Heursen d'Évreux. Pour la maman, le réveillon qui se déroulait chez elle à Bois-le-Roi a été écourté dès l'apéritif. Et pour conclure, place au reportage d'Éric Blot. Créé en mai dernier, Arsène, la conciergerie de l'agglomération Seine-Eure, a déjà récolté le prix de la communication d'entreprise ou encore le trophée de l'innovation du tourisme dans l'Eure. Ce guichet unique centralise notamment les demandes des nouveaux arrivants, comme l'indique sa référente Stécie Lefebvre. Pas mal de demandes sur le logement des personnes qui souhaitent s'installer sur le territoire. On a eu une dizaine d'installations du coup grâce au service d'Arsène. C'est toujours en relation avec mes collègues des autres services, notamment ma collègue Valérie Bernot en charge de l'accueil des nouveaux arrivants. On se limite aussi aux compétences de l'agglo. On a eu encore aujourd'hui une demande de nouveaux arrivants qui souhaitaient savoir voilà, si on s'installe dans cette commune-là, à quelle école vont aller nos enfants, est-ce qu'il y a possibilité de les inscrire à des cours de langue, à des activités périscolaires. Arsène oriente aussi les touristes pendant leur séjour et tient des permanences dans les entreprises ou répond à celles qui souhaitent s'installer dans l'agglomération. Et après, on les met en relation avec le service du développement économique pour trouver un terrain, un local. Depuis 6 mois, à la cinquantaine de demandes, Arsène a trouvé une solution dans les 48 heures. Pour contacter la conciergerie de l'agglo Seine-Eure, un site internet bonjour-arsène.fr, les réseaux sociaux et puis le 02 76 46 03 69. Et tout de suite après le jingle, la météo. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Pour demain matin, Météo France prévoit des éclaircies sur le département de l'Eure, le Pays d'Auge et l'agglomération rouennaise, ainsi que le Pays de Bray et le Beauvaisis. Toutefois, quelques averses s'inviteront sur l'Oise à la mi-journée. Le mercure indiquera 5 degrés à Rugles, 6 à Bernay, au Neubourg, à Beauvais, au Mal, Neuchâtel, 7 à Rouen, Évreux, Vernon, Pont-Audemer et Lisieux. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Écoutez, Espace. La plus normande des radios. Il est tout pile, 18h34. Merci d'être avec nous à Fleury-sur-Andel comme à Lyons-la-Forêt. On est reparti avec le son YouTube d'Espace 3 Café Gourmand. Ça débarque dans quelques instants. Ce sera à nos souvenirs. Et voici Black Coffee et David Guetta sur la plus normande des radios. C'est Drive. Bonne journée tout le monde et augmentez le volume. I can't go fast enough. You left behind, and I can't get high enough.

plus normande. La plus normande des radios. Espace. Chacun parle sa propre langue. Très souvent elle tangue entre le yin et le yang. Tu me retiens, tu me mets des sangles. Quand tu vas trop loin, il arrive que je m'étrangle. Les mots de ma pensée m'ont parfois dépassé. Pour une fois, viens, on efface. Oublions nos beautés, on s'est mis de côté. Je veux qu'on se regarde bien en face. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. Quand je suis perdu, je veux que tu me ramènes. Je veux qu'on aille bien, je veux qu'on aille loin. Et qu'on traîne. Je ne squatterai. Je me plante entre l'ami et la menthe. Les démons chantent et nous démentent. Pour te préserver, est-ce qu'il faut que je te mente? Suspendu sans arrêt au fil de nos marées. Une vague à l'âme qui nous dépasse. Collé à nos égos, posé comme des légos. Je veux qu'on se laisse un peu d'espace. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Ouais, salut les amis, moi je suis pas rentré, on continue la fête toute la journée dans la chronique télé, hein. Tikadikatam, tikadikatam. Ohé, ohé. Tikadikatam, tikadikatam. Ohé, ohé. Vas-y, enchaîne, René, on continue toute la journée, je t'ai dit. Ta ta yo yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Bonne année! Ta ta yo yo, qu'est-ce? Ah ok, je vois, on n'a pas le droit de rigoler. Ça y est, la fête est finie, faut travailler maintenant. Bon, bon, on y va, on va parler de la soirée télé. Ce soir sur TF1, une comédie. On débute l'année avec une soirée rediff, hein, les gamins en première partie de soirée, les visiteurs en Amérique qui restent quand même la version la plus débile, et voilà, les bonnes résolutions de 2019 d'être cool, tout ça, ben, c'est déjà oublié en moins de 10 secondes. France 2, n'oubliez pas les paroles, 100% tube, spécial acteur, c'est Nadie qui nous présente cette émission avec au programme plein de people qui vont venir chanter pour récolter des des fonds pour des associations. France 3, la soirée meurtre A avec que des rediffs, un meurtre en Martinique et meurtre à l'Île-Dieu en seconde partie de soirée. Canal, la deuxième étoile, une comédie de l'excellent Lucien Jean-Baptiste avec Lucien Jean-Baptiste et la cultissime Firmin Richard qui reste pour moi l'une des meilleures comédiennes que je connaisse en ce moment. Là, il est devenu présentateur météo, elle est devenue une star des réseaux sociaux avec sa chaîne culinaire. Tout va bien, sauf que non, forcément, sinon ce ne serait pas une comédie. Arte, l'étrange histoire de Benjamin Button, classique du cinéma fantastique avec Brad Pitt et Kate Blanchett. M6, Belle et Sébastien 2, l'aventure continue. C'est un beau film avec Belle et Sébastien, donc l'histoire d'amour entre un petit garçon et une petite bestiole qui pèse quand même 50, 60, voire 70 kilos. Hein. Le meilleur de la TNT, France 5, un documentaire sur les croisières, hein, tout ce que je déteste. Ah, moi, j'aime pas être sur l'eau. Bon, bah, c'est comme ça. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure. Et bonne soirée télé. Et une fois encore, bonne année. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande. Groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Ça se passe uniquement sur Espace. Écoutez aujourd'hui ce qu'il s'est passé hier. Espace.

c'est bon, c'est parti. C'est bon, d'accord, très bien. C'est ça. Oui, parce que sans numéro, on peut pas appeler. Hein. Bah oui, les aléas du direct. C'est comme le loto, on peut pas gagner si on les fait pas. C'est pas totalement faux. Allô. Allô. Bonsoir. Qui est à l'appareil? C'est Sarah. Très bien. Bonsoir, Sarah. D'où nous appelles-tu? De Louviers. De Louviers, très bien. Alors, tu nous appelles pour gagner les cadeaux du Père Noël, j'imagine. C'est ça. Alors, le Père Noël est passé à la radio. Il m'a ramené, pour être très honnête, pour cette émission, pardon, une boîte de Lego, un casque Bluetooth, oui, ou une compile avec les meilleurs titres de l'année 2018. D'accord. Que préférerais-tu avoir sur les trois? Bah, je vais choisir les Lego, comme ça, si je gagne, je vais faire un heureux à la maison. Ah, ton petit, non? Oui. Comment s'appelle-t-il? Corentin. Alors Corentin lui fait des gros bisous s'il nous écoute. Alors Sarah, pour gagner, c'est très simple. Je te pose deux questions, c'est des devinettes. Si tu réponds bien, il n'y a pas de souci. Tu as les Lego. T'es prête? D'accord, oui. Alors, comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël? Un chapin. Exactement, un chapin de Noël, eh oui. C'est les trucs de balle. Oui, c'est ça, c'est pour enfants. Il ouais, faut le savoir aussi, il hein, faut le savoir. Allez, une deuxième. Qu'est-ce qui pèse moins lourd le 25 décembre que le 24? Tu es la dinde? Non, deuxième chance, allez, je suis sympa. C'est sur le traîneau. Ah, bah la note du Père Noël. Eh oui, bravo, non, Sarah, ouais. On peut t'applaudir, tu remportes les Lego. Bravo, félicitations, une belle boîte de Lego pour toi. Super, merci beaucoup. Mais de rien, avec plaisir, et continue de nous écouter jusqu'à 21h. Et encore une fois, joyeux Noël et belle fête de fin d'année à toute ta famille. Mais si, même si Noël est passé, on continue de le voilà, souhaiter. N'hésite pas à venir nous voir. Hein. C'est ça. Merci beaucoup. Tu viens récupérer ton cadeau à la radio quand tu veux. À bientôt, Sarah. Gros bisous. Merci. Of anything while you were telling me, I turned against the wind. And when my eyes started to burn, and you turned your back on me. Well, you see, I slipped away. Now turn to me, 'cause I've done 100 things. You've only dreamed. So don't come crying to me. Don't come trying again. No matter how I feel, don't call us friends. 'Cause I don't remember anymore how we used to be. No, I don't remember. They go your way, it would all just carry on. Well, you see, it slipped away. Now turn to me. Yes, I've done 100 things. You've only dreamed. Trying again, no matter how I feel.

Marshmallow, Bastille Happier sur Espace dans l'afterwork du 1er janvier 2019. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et encore une fois, je vous souhaite une belle et heureuse année de la part de toute l'équipe. Qu'elle soit faite de plein de projets, de belles choses et profitez de vos familles. Alors, vous avez rendez-vous en ce mois de janvier au Parc des Expos de Rouen, pardon, à partir du 25 et jusqu'au 27 pour les puces rouennaises. C'est à ne pas louper. Déjà 19h50, on réécoute maintenant Antoine de Pinterville qui a gagné son cadeau avec le Père Noël Espace. C'était vendredi dans l'Open Show. Allô? Allô, bonsoir. Comment tu t'appelles? Bonsoir. Antoine. Antoine. Alors Antoine, d'où viens-tu? De Pinterville. De Pinterville. Alors tu écoutes l'Open Show en ce moment, j'imagine. Ça te plaît? Ouais. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu un instant, je me suis dit, va dire non, mais bon, ça va. Alors, j'ai deux propositions, soit la compile, soit le casque Bluetooth. Il me semble que tu as dit à notre standardiste, qui s'appelle Mickaël, que tu voulais le casque, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Très bien. Alors, comme je l'ai fait avec Sarah tout à l'heure, petite devinette super rapide. Si je retrouve ma feuille, bim, boum, boum, boum, évidemment, je ne la retrouve pas. C'est ça qui est drôle. C'est bon, je l'ai. Qu'est-ce qu'un yaourt qui court dans la forêt? Tu sais pas, hein. C'est un yaourt tout blanc. Un yaourt qui court dans la forêt. Un yaourt à la nature. Là, je peux pas faire plus, hein. Un yaourt nature. Ah, yaourt nature. Voilà, ah ben voilà. Il était temps. Voilà. Bon, allez, le casque Bluetooth, il est pour toi. Ton prénom, je sais même plus. Ouais, ah, c'est bon. Ton prénom, j'ai déjà oublié. Excuse-moi. Antoine. Antoine. Alors Antoine, on te souhaite évidemment de belles fêtes de fin d'année. Et voilà, je te repasse Mickaël au standard tout de suite. Bonne fête à toi et merci d'écouter l'Open Show. Merci à vous aussi. Salut, à bientôt. Let's get out of here. Light another fire, let us sing till the sun comes up. Till the sun comes up. Till the sun comes up. Oh, the feeling warm, so let us swim till the sun comes up. Till the sun comes up. Jack Till the Sun Comes Up sur la plus normande et picarde des radios du côté des Trépani, de Beaumont-le-Roger ou encore de Pont-de-l'Arche. Merci d'être avec nous et vous avez rendez-vous à Honfleur jusqu'à dimanche pour le marché de Noël. Ça se passe tous les jours de 10h à 19h sur la place de l'Hôtel de Ville. Déjà 19h54, encore une fois, bonne année. Voici David Leroy pour la Proc Télé de ce mardi soir. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV.